Chapitre 12e. La douleur d'un père. C'est un Antoine Lourjade seul qui se présenta à la convocation. « Ma femme n'est pas en état de vous parler, vous comprenez, ses nerfs. » « Bien pratique cela. » Ne put s'empêcher de penser d'utile in petto. Mais mis devant l'évidence, il ne put que se résigner. Au premier contact, Antoine Lourjade n'était pas un homme antipathique, bien au contraire. Dutilleul estima qu'il devait approcher à grands pas de la soixantaine, mais il portait encore beau. C'était un homme grand, à l'allure sportive. La peau était tannée comme le cuir. Il avait choisi, en dépit de la circonstance, une tenue décontractée que Dutilleul jugea légèrement déplacée, mais cet homme ne devait guère aimer s'habiller en noir. Les poches sous les yeux annonçaient quant à elle un solide buveur, mais qui devait connaître ses limites. L'homme ne devait jamais être vraiment parti. Dutilleul sentait le fin renard. Non que cela d'ailleurs le desservît le moins du monde. Au contraire, cela lui donnait un charme supplémentaire. Les yeux, quant à eux, très bleus et très vifs, étaient très beaux. Ils avaient dû faire des ravages dans leur temps. Et Dutilleul n'était pas certain que ce ne fût pas encore le cas. Même Mado, se dit-il sans aucune jalousie, pourrait craquer pour un tel individu. Il émanait de sa personne une animalité sauvage, certes, savamment et soigneusement entretenue, mais tout de même. La voix cassa tout. Elle était trop douce, comme mal accordée. Il s'attendait à une voix rocailleuse, légèrement dure et vaguement dédaigneuse. Pas ce manque d'assurance. Était-ce seulement dû à l'émotion? Pour une part, sans doute, mais pas totalement. Dutilleul réalisa soudain qu'il avait devant lui un homme anéanti par la mort de son enfant. La tenue n'était qu'une tentative désespérée pour faire comme si tout était normal, mais cela avait lamentablement échoué. L'homme qui lui faisait face avait profondément aimé son fils, même si son inconséquence le lui avait fait perdre. Dutilleul devait donc revoir sa stratégie de toute urgence. Il ne pouvait attaquer par le suicide. Il faudrait être plus subtil et y venir pas à pas. Surtout qu'il avait eu un mal de chien à obtenir cette convocation. Il ne devait pas tout hypothéquer par une entrée en matière trop brutale. Son interlocuteur ne le supporterait pas. Finalement, il ne fut pas triste que la femme ne fût pas là, car avec elle, il aurait eu beaucoup plus de mal à se contenir. Il n'en commença pas moins l'entretien. « Monsieur Lourjade, je vous remercie de vous être déplacé. Il n'y a pas de quoi, j'aurais dû venir avant. Mais ma femme, la peur du scandale, vous comprenez, vous? Non, moi non plus. Certaines de ses amies commencent déjà à lui tourner le dos. Elle vit la chose très mal. Pourtant, vous n'êtes pas responsable. Pas responsable? Aussi, je suis bel et bien responsable. J'ai oublié mon fils pendant des années. Remarque, ce n'était pas difficile. Les deux premiers se débrouillaient tellement bien. J'ai cru trop vite. Ils affichent une belle réussite. Eux, vous pouvez le dire. Pas même grâce à moi ni à la fortune familiale, ils n'en veulent pas. Le seul tort que j'ai eu, c'est de croire que ce serait la même chose pour Pierrick, alors que cela n'avait rien à voir. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point il était seul avant. Sa tentative, ah, vous savez, c'est peut-être mieux au fond. Qui vous en a parlé? Vous ne me le direz pas, naturellement. J'aimerais un instant revenir sur les circonstances, du moins, si cela ne vous est pas trop pénible. Antoine Lourjade considéra l'heure du tilleul avec attention. Il semblait peser le pour et le contre, puis sembla finalement se résigner. « Que vous dire? J'étais en transit à Paris. Je ne sais même plus pourquoi. Ah si, un séminaire annulé au dernier moment. J'étais accompagné de Pierre-Yves Berry. Il était tard alors. Je lui ai proposé de dormir à la maison et de ne rentrer chez lui que le lendemain. De toute façon, la soirée était fichue, alors autant la finir à la maison. Il était près de 10 heures et à 7 heures, cela roule bien. Il ne nous a pas fallu plus d'une heure pour gagner la maison. Nous sommes arrivés sur place peu avant 11 heures. Vous n'avez pas appelé auparavant? Non. Quand j'ai vu l'heure, j'ai pensé que tout le monde était couché. Puis j'avais une clé, alors à quoi bon? On voulait juste prendre un petit verre. Pour cela, on pouvait se servir tout seul. Pendant tout le trajet en voiture, je me rappelle avoir vanté à Pierre-Yves les mérites d'un whisky de 25 ans d'âge. Comme je m'y attendais, la maison était plongée dans le noir. Je me suis déchaussé à l'entrée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pierrick ne dormait pas là. C'est quand j'ai allumé le salon que je l'ai trouvé, les boîtes de médicaments soigneusement alignées à côté de lui. Il faisait un froid glacial. Après, bien sûr, j'ai compris. Pierre-Yves a été très bien. Il a tout de suite compris la situation. Heureusement qu'il avait sa trousse avec lui. Il est parvenu, je ne sais comment, à ranimer Pierrick et surtout à le maintenir éveillé. Il a vomi partout. C'était épouvantable. La seule chose dont je me rappelle précisément, c'est le balai incessant de la serpillière. J'avais les mains en feu. Je n'avais jamais réalisé combien ça pouvait faire mal d'essorer une serpillière. Je m'en voulais de penser à cela, mais j'étais si désemparé que je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Vraiment, je me serais battu. À un moment même, j'ai pensé au canapé qui était foutu. Tout m'a paru soudain si dérisoire. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Un canapé, ça se remplace, mais un enfant? Si vous saviez comment je m'en suis voulu. Je m'étais laissé éblouir par Annick. Adrien et Paul étaient ma fierté. Fierté d'autant plus aisée qu'elle ne me coûtait rien. Mes amis m'admiraient, me parlaient sans cesse de leur succès croissant. Dans tout cela, il n'y avait plus guère de place pour Pierrick. Celle-ci était déjà prise et, comme il ne se battait pas. Je ne savais même pas qu'il avait d'énormes difficultés scolaires, parce que je ne le voyais pour ainsi dire pas. Il ne faisait pas de bruit. Je pense n'avoir jamais même pris le temps de consulter ses carnets de notes. Ma relation avec lui se résumait à un chèque laissé sur le coin d'un bureau. Alors imaginez quand je l'ai trouvé. Il avait tout planifié avec soin. Il savait qu'Araminta serait absente 2 jours. Il s'est rendu assez court pour ne pas donner l'alerte. Il s'est comporté exactement comme d'habitude. Il a même eu un 12 sur 20 en sciences, ce qui pour lui était un exploit. Le professeur de physique se rappelait très bien l'avoir félicité. Il est allé au cours de sport, il est rentré. Il a mis ses affaires dans le panier à linge, comme il le faisait toujours. Il n'aimait pas qu'Araminta ramasse derrière lui. C'était sa façon à lui de la respecter. La veille, il a rangé sa chambre pour que l'on ne retrouve rien. Il a pris une douche vers 18 h, a commencé à s'intoxiquer. Il m'a dit plus tard que la descente avait été très douce. Pourquoi s'est-il couché dans le salon au lieu de sa chambre? Il n'est jamais parvenu à l'expliquer. Mais Pierre-Yves m'a dit qu'inconsciemment il voulait qu'on le trouve, qu'on le sauve, qu'il ne voulait pas vraiment en finir. Il voulait simplement qu'on se soucie un peu plus de lui. J'ai bien retenu la leçon, croyez-moi. J'ai recadré les choses. J'ai eu la plus belle dispute de ma vie avec ma femme et ma fille. J'ai retiré Pierrick du collège, et à la rentrée suivante, je l'ai inscrit au Tournelle. Ce n'était pas la panacée, mais je connaissais le directeur. Je lui ai fait promettre de veiller particulièrement sur Pierrick, et il l'a fait. Pourtant, c'est au Tournelle qu'il a commencé à se droguer régulièrement. Je le sais, maintenant, mais à l'époque. J'ai eu le tort de crier victoire trop vite, puis il avait promis. Même si Pierre-Yves m'avait mis en garde, je voulais sincèrement en finir avec tout cela. Je cherchais absolument à me convaincre que le pire était derrière nous. Les affaires ont repris le dessus et bientôt je n'ai plus de temps à consacrer à mon fils. Mon entreprise traversait de profondes difficultés et il me fallait être sur le terrain. C'est pour cela que je n'ai rien vu. Je ne me suis pas rendu compte à quel point Pierrick était atteint. Vous comprenez, il n'y avait pas de signe physique. Je faisais toute confiance à Annick qui m'assurait que ça allait bien. Monsieur Lourjade, je ne sais si cela vous apportera le moindre réconfort, mais j'ai la pénible tâche de vous annoncer que Pierrick ne s'est pas suicidé. L'autopsie est formelle à ce sujet. Ce n'est pas non plus un accident. On a volontairement supprimé votre fils. L'homme eut un moment d'abattement. Il se tassa un peu plus dans son siège, comme pour se centrer sur lui-même. Il sembla longuement méditer sur ce que Dutilleul venait de lui apprendre. Celui-ci ne se montra pas surpris. Il avait souvent assisté à ce genre de réaction, mais son interlocuteur se reprit très vite. Le regard était devenu très dur et la voix avait retrouvé un certain tranchant. « Que venez-vous de dire ?»« La vérité est la plus stricte. On a froidement éliminé votre fils. Les résultats de l'autopsie ne laissent aucune place au doute. »« Comment l'a-t-on tué ?» De la soude mélangée à de la cocaïne. Pour ainsi dire, on ne lui a pas laissé la moindre chance. Pourquoi? Mon fils n'a jamais fait de mal à personne. C'est ce que je vais m'employer à comprendre. Soudain, toute la rage refoulée éclata, et quelque part, Dutilleul en fut heureux. La situation lui semblait plus saine. Toute la culpabilité accumulée avait à présent disparu. L'homme semblait enfin se libérer. « Il faut trouver ce salaud, monsieur le commissaire. Quel qu'il soit, vous m'entendez, je veux qu'il paye. Je veux que cet enfant de salaud paie pour ce qu'il a détruit. Nous mettons tout en œuvre pour le trouver. »